qu'elle est boule ou que je succombe. Y'a pas un jour sans que je me dise que chose due est chose promise. S'embarque dans sa dérive, que je me damne ou que je m'enivre. Y'a pas une nuit sans que je rêve que rien n'est mieux si je t'enlève. J'ai pas trouvé de belle bois dormant. Je t'ai trouvé toi, c'est suffisant. Je suis bien près de toi. Tous les dieux pardonne de ne vouloir qu'être ton homme. Ton regard me dit tout bas qu'il sera toujours près de moi. Oh, oh. Que tout ton monde n'accepte pas, j'en ferai mon deuil. J'ai trouvé ce qu'il me faut. Oh. J'ai pas besoin de belles bois dormants, ni de princesse dans un lit d'argent. J'ai besoin de toi. Je suis bien près de toi. Je suis bien près de toi. Si bien près de toi.